Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour ma chronique hebdomadaire. Donc cette semaine, mon coup de cœur s'appelle Marquer les ombres. C'est un livre. C'est une mini-série, on va dire, il y a deux tomes. Donc c'est écrit par Véronica Roth, l'autrice de Divergente. Pour ceux qui lisent un peu, vous auriez compris. Bref. Et en fait, l'histoire se déroule dans une lointaine galaxie. Et en fait, c'est une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes, si vous voulez, où certains êtres possèdent une sorte de don, un pouvoir unique, si vous voulez. Et en fait, on va suivre l'histoire de deux personnages, Syra, donc la sœur d'un tyran qui gouverne les Chotettes, une nation, et Akos. Donc lui, c'est un citoyen, on va dire, de la nation Tuvée. Mais en fait, le truc, c'est que leur don, au-delà, en particulier, ça les rend bien puissants comme il faut, et en même temps, vachement vulnérables, en fait. Et, comment dire, dans leurs origines, au-delà, tout les oppose. Il y en a Syra, son peuple est barbare, cruel, violent. Arcos, sa nation est pacifique, douce et gentille, bah, même si c'est pareil, mais bon. Leur famille, on va dire que c'est pas l'amour entre eux. Et pourtant, ces deux personnes, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble, on va dire, pour survivre. Ou alors, ils s'autodétruisent. Bon, c'est plutôt pas mal aussi la deuxième option, sauf que ça réduit un petit peu la grosseur du livre. Du coup, c'est moins drôle. Du coup, on va dire qu'ils survivent, allez. Et du coup, on va voir leur survie, on va dire. Donc, ce livre est un livre de science-fiction, comme vous aurez deviné. On n'a que deux vues, donc la vue d'Arcos et de Syra. On n'est pas dans la tête d'autres personnages. Et tout simplement, c'est un livre que je vous conseille très fortement, c'est pour ça que je vous le présente. Et on peut dire quand même que Véronica Roth a fait du bon boulot aussi, comme sur Divergente. Elle a franchement écrit un bon livre, une bonne trame, bien menée. La trame n'est pas totalement finie à la fin, puisqu'il y a un tome 2, évidemment, c'est pas drôle sinon. Mais ouais, Marquer les ombres, de Véronica Roth. Livre que je vous conseille très fortement, paru chez Nathan, en janvier 2007, en France. Hein. Et pour ceux qui se demandent aussi, pour l'instant, il n'y a pas d'adaptation cinématographique. Mais on ne sait pas s'il y en aura une dans le futur, mais pour l'instant, on n'a pas eu les infos, voilà. Bon. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. C'était Aurélien. On se retrouve dans une semaine pour un prochain coup de cœur. Au revoir.